Premier livre des Chroniques, chapitre 17. Or il arriva après que David fut tranquille en sa maison, qu'il dit à Nathan le prophète, « Voici, je demeure dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel n'est que sous des courtines. » Et Nathan dit à David, « Fais tout ce qui est en ton cœur, car Dieu est avec toi. » Mais il arriva cette nuit-là, que la parole de Dieu fut adressée à Nathan, en disant, « Va, et dis à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel, tu ne me bâtiras point de maison pour y habiter, puisque je n'ai point habité dans aucune maison depuis le temps que j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tabernacle en tabernacle, et de pavillon en pavillon. Partout où j'ai marché avec tout Israël, en ai-je parlé un seul des juges d'Israël, auxquels j'ai commandé de paître mon peuple, et leur ai-je dit, pourquoi ne m'avez-vous point bâti une maison de cèdre ? Maintenant donc tu diras ainsi à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai pris d'une cabane, d'après les brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël, et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai exterminé de devant toi tous tes ennemis, et je t'ai fait un nom tel qu'est le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'établirai un lieu à mon peuple d'Israël, et je le planterai, et il habitera chez soi, et ne sera plus agité, les fils d'iniquité ne le mineront plus comme ils ont fait auparavant. Savoir, depuis les jours que j'ai ordonné des juges sur mon peuple d'Israël, que j'ai abaissé tous tes ennemis, et que je t'ai fait entendre, que l'Éternel te bâtirait une maison. Il arrivera donc que quand tes jours seront accomplis pour t'en aller avec tes pères, je ferai lever ta postérité après toi, qui sera un de tes fils, et j'établirai son règne. Il me bâtira une maison, et j'affermirai son trône à jamais. Je lui serai père, et il me sera fils, et je ne retirerai point de lui ma gratuité, comme je l'ai retiré de celui qui a été avant toi. Mais je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône sera affermi pour toujours. Nathan récita à David toutes ses paroles, et toute cette vision. Alors le roi David entra, et se tint devant l'Éternel, et dit, « Ô Éternel Dieu ! Qui suis-je, et quelle est ma maison, que tu m'aies fait parvenir au point où je suis ? Mais cela t'a semblé être peu de chose, ô Dieu, et tu as parlé de la maison de ton serviteur pour le temps à venir, et tu as pourvu à moi, l'excellence de l'homme est selon ce qu'il est, ô Éternel Dieu ! Que te pourrait dire encore David de l'honneur que tu fais à ton serviteur, car tu connais ton serviteur. Ô Éternel, pour l'amour de ton serviteur, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses, pour faire connaître toutes ces grandeurs. Ô Éternel, il n'y en a point de semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu, que toi selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple d'Israël, la seule nation sur la terre que Dieu, lui-même est venu racheter pour soi, afin qu'elle soit son peuple, et pour t'acquérir un renom de choses grandes et redoutables, en chassant les nations de devant ton peuple, que tu t'es racheté d'Égypte. Et tu t'es établi ton peuple d'Israël pour peuple à jamais, et toi, ô Éternel, tu leur as été Dieu. Maintenant donc, ô Éternel, que la parole, que tu as prononcée touchant ton serviteur et sa maison, soit ferme à jamais, et fais comme tu en as parlé. Et que ton nom demeure ferme, et soit magnifié à jamais, de sorte qu'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est Dieu à Israël, et que la maison de David ton serviteur soit affermie devant toi. Car tu as fait, ô mon Dieu, entendre à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison, c'est pourquoi ton serviteur a pris la hardiesse de te faire cette prière. Or maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as parlé de ce bien à ton serviteur. Veuille donc maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit éternellement devant toi, car, tu l'as bénie, ô Éternel, et elle sera bénie à jamais.